Boko, d'où Iman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 18 février 2022. Voici les grands titres de cette édition. Environ une somme de 2 milliards de francs burundais est prévue pour appuyer le secteur des médias au bout de 14 mois, annonce faite ce vendredi par l'ambassadeur de France au Burundi lors du lancement du projet d'appui à la professionnalisation des médias. Bientôt, les fonctionnaires de l'État à la retraite pourront percevoir une indemnité de pension équivalente à leur salaire du dernier mois de leur exercice. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Et cela fait partie des quatre grandes perspectives de l'Institut national de sécurité sociale. Vous entendrez à ce propos le directeur général de l'INSS. Et dans la chronique environnement, l'on parlera des zones humides qui sont des terres domaniales. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Gitega, pour ouvrir ce journal, les habitants de la province de Gitega se plaignent de la recrudescence de la corruption dans les juridictions supérieures de cette province. Ils l'ont dit ce jeudi à Gitega dans une rencontre avec la ministre de la Justice. Les cadres de ce ministère ainsi que tous les magistrats de la province de Gitega et les administratifs. La ministre de la Justice a fait savoir que désormais les magistrats coupables de corruption seront poursuivis individuellement et sans pitié. Arthur Kavavouchi. Ces habitants des communes de la province de Gitega sont en grande partie revenus sur la corruption qui se trouve dans les juridictions supérieures, comme l'a indiqué cette femme. Ce qui est honteux, c'est qu'il y a des jugements qui se font après inspection des propriétés, mais une des parties qui dénigre l'autre fait appel. La honte a été remarquée au tribunal de grande instance de Gitega et comme tu es pauvre, arrivé là-bas, vu que tu avais gagné à la colline et au tribunal de résidence, puisqu'il a l'argent, il vient au tribunal de grande instance de Gitega. Excellence, est-ce que nous allons toujours perdre ici à Gitega? Paul Ondizigué, directeur général des ressources humaines au ministère de la Justice, a souligné que la solution est de punir les magistrats corrompus. L'obstacle, c'est le fait de ne pas punir les magistrats. Il y a le fait d'avoir peur de dénoncer les magistrats incorrects de la part des chefs de service. La ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, a fait savoir que désormais, le coupable sera poursuivi individuellement. Maintenant, la responsabilité sera individuelle. S'il advenait qu'il y a des magouilles dans un jugement ou pendant le traitement, tu seras puni. Et pour vous, justiciables, si vous profitez de cette mesure pour faire chanter un magistrat, vous paierez l'amende. Dans l'optique de faciliter les justiciables, il sera implanté dans toutes les communes des bureaux de recours pour éviter que les gens doivent toujours se rendre à Bujumbura. Arthur Kavavouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavavouchi. Les retraités ayant occupé les fonctions de l'État vont désormais toucher, dans les jours à venir, une indemnité de pension équivalente à leur salaire du dernier mois de leur exercice. Et ceci a été adopté lors du Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine en cours, comme le rapporte le porte-parole du secrétaire général du gouvernement. Prosper Nahorouami a indiqué que le fonctionnaire qu'il veut pourra aller dans sa retraite 5 ans avant sa pension, moyennant 15 ans de service et plus. Suivez plutôt Prosper Nahorouami, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Conscient de ses obligations constitutionnelles de garantir dans la mesure de ses possibilités des moyens propres à assurer une existence digne à ceux qui lui ont consacré une partie de leur vie active, le gouvernement a manifesté une volonté politique de relever, dans un premier temps, le montant de la pension de vieillesse pour les fonctionnaires, les magistrats, les mandataires politiques et publics, les cadres, les agents de l'ordre judiciaire et les agents du secteur public, ainsi que les membres des forces de défense et de sécurité, et d'appliquer le même processus pour le secteur para-étatique et privé dans un second temps. Des analyses ont été menées visant à démontrer la faisabilité de cette politique de revaloriser le montant de la pension de vieillesse pour les secteurs dont les salaires émargent sur le budget général de l'État. Elles ont montré que les organismes de protection sociale pouvaient mettre en œuvre la politique du gouvernement sans difficulté particulière pour les affiliés du secteur public. Mais comme les dispositions du Code de la protection sociale au Burundi relatives au calcul du montant de la pension de vieillesse ne sont plus en conformité avec les réformes du secteur de la sécurité sociale, volet pension de retraite, il faut un nouveau cadre légal qui doit permettre aux organismes de protection sociale de mettre en œuvre la volonté politique du gouvernement. Après échange et débat, le projet a été adopté avec les observations et les recommandations suivantes. La pension de retraite sera égale au dernier salaire mensuel net de la personne concernée. La retraite anticipée ne peut pas être demandée à plus de 5 ans avant l'entrée à la retraite et sans avoir presté au moins 15 ans. Le calcul de la pension doit être harmonisé. Le calcul se fera sur base du salaire de base, car le calcul sur base du salaire brut entraîne automatiquement la diminution du salaire net de l'employé et serait contraire à l'objectif recherché. La retraite anticipée demandée pour raison de santé dûment prouvée s'obtient. Mais quand c'est pour convenance personnelle, c'est l'appréciation de l'employeur qui peut la refuser pour l'intérêt du service. Celui qui part à la retraite anticipée commence à percevoir sa pension, sauf s'il va occuper un travail rémunéré. Pour assurer la pérennité de cette politique, au-delà de 10 ans, l'État va opter pour augmenter les cotisations des parts patronales ou constituer progressivement un fonds qui va appuyer cette politique au-delà de cette période. Prosper Nhorgwami, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Et l'augmentation de la pension pour les affiliés à l'Institut national de sécurité sociale, c'est l'une des grandes des quatre grandes perspectives de cet institut. Annonce du directeur général de l'INSS. Général-major Emmanuel Miwuro fait en outre savoir que les employés de l'INSS ne sont pas si mieux payés que le laisse croire une certaine opinion dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision Isanganiro ce jeudi. Le patron de l'INSS a précisé que cet institut dépense plus de 40 milliards de francs burundais chaque année pour la pension et les autres prestations. Suivez-le. Premièrement, c'est l'augmentation des assurés, puisque nous savons qu'on est loué. Et ce n'est pas seulement le Burundi, c'est la plupart des pays africains. Et la dernière étude qui a été menée au Burundi pour montrer combien ils sont couverts était dans les années 2010-2011. Et l'étude a montré que seulement moins de 5%, c'était entre 4,5 et 5, sont couverts. Pour dire qu'il y a une masse et donc, qui attend toujours la couverture. Donc, nos efforts, nos plus grands efforts sont orientés dans ce sens. Et en deuxième lieu, il y a ce que nous appelons le recouvrement. Les études ont montré qu'il y a quand même de grands montants qui devraient être dans les caisses de l'INSS qui n'y sont pas. En troisième lieu, et c'est dans le domaine des investissements. L'INSS est autorisé d'investir cet argent qu'il collecte, mais quand même avec il y a ce que l'on appelle les normes prudentielles que nous avons respecter. Voilà qui nous oriente comment nous devons investir. En dernier lieu, il y a l'amélioration des prestations que nous servons. Ici, nous n'avons même pas beaucoup de problèmes. Il y a une certaine opinion selon laquelle les employés de l'INSS sont mieux payés que les affiliés ou les immatriculés. Que répondez-vous à cette opinion? Nous savons que c'est une opinion qui est très répandue, mais c'est une fausse opinion. Mais ce que je peux affirmer ici est que nous sommes même derrière les fonctionnaires de la fonction publique. Il y a un autre indicateur qui ne trompe pas que je voulais donner ici, et que le dernier recrutement ici à l'UNSS date de 2019. Et nous avons le critère 46 employés. Mais pour le moment, au moins 10 parmi les 46 ont déjà abandonné le travail ici à l'INSS. La deuxième chose que j'aimerais dire est que si vous voulez, puisque beaucoup de personnes font un lien entre le traitement du personnel et de l'INSS et la modicité des pensions que nous payons. Ici, j'aimerais clarifier une chose. Ici, pour les pensions seulement ici à l'INSS, nous payons au moins 40 milliards par année. Et si on compare avec la masse salariale à l'INSS, même si on disait que dès maintenant, les travailleurs de l'INSS ne seront plus payés, et que l'on utilise son montant pour améliorer les prestations que nous payons, vraiment ça ne portera pas une grande amélioration. Général-major Emmanuel Miburo, directeur général de l'Institut national de sécurité sociale, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Environ une somme de 2 milliards de francs burundais est prévue pour appuyer le secteur des médias au bout de 14 mois. Annonce faite ce vendredi par l'ambassadeur de France au Burundi lors du lancement du projet d'appui à la professionnalisation des médias. Un projet qui vient d'un point nommé, selon la ministre en charge de la communication, car, dit-elle, le budget du gouvernement y alloué était insignifiant compte tenu des besoins dans ce secteur. Suivez l'ambassadeur de France au Burundi, Stéphane Greenberg. Ce projet d'un montant de 830 000 euros, environ 2 milliards de francs burundais, a pour objectif de renforcer les médias burundais. Il s'inscrit dans une coopération ancienne entre la France et le Burundi dans le domaine des médias. La France avait notamment, dès la fin des années 60, appuyé la mise en place de la Maison de la Radio et dans les années 80, soutenu la télévision nationale. Il aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer et professionnaliser les offres de formation en journalisme et en métier de l'audiovisuel. Une deuxième composante qui sera sur le renforcement des médias, avec des actions qui seront menées au bénéfice d'un certain nombre de médias burundais. Et puis une dernière composante qui sera sur le renforcement de la collaboration entre les médias et les institutions publiques. Le projet il appuiera notamment trois universités, l'Université du Burundi, l'Université du Lac Tanganyika et l'Université Lumière, comme je le disais, afin de professionnaliser les enseignements en journalisme et en audiovisuel, mais aussi pour faire des travaux de recherche en matière de médias. Pour ce qui est du renforcement des médias, on travaillera pour appuyer différents acteurs, les techniciens de radio et de télévision, les radios communautaires, les médias traditionnels, les médias en ligne. Et puis, comme je le disais, il y aura une dimension autour de la communication institutionnelle avec un travail avec les porte-parole des différentes institutions publiques. Environ 150 professionnels des organes de presse bénéficieront de formations diverses, des journalistes, des techniciens audiovisuels, des gestionnaires, des financiers, un travail avec les différents porte-parole du gouvernement et puis le directeur de Caridergel en parlait tout à l'heure, des travaux de recherche sur les médias avec la production d'un cahier de recherche. C'était l'ambassadeur de France au Burundi, Stéphane Greenberg. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la commune Nyabiraba en province de Bujumbura s'inquiètent du retard dans la construction du marché communal moderne qui vient de passer plus de 5 ans et du comportement de l'administrateur communal accusé de mauvaise gestion des biens publics. Lors d'une émission publique, le gouverneur de la province Bujumbura a tenu à l'endroit des habitants de Nyabiraba ce mercredi. L'administrateur de la commune Nyabiraba, Ferdinand Simbanani, a rejeté ces accusations et a collé le retard de construction de son marché aux gagnants du marché public. Elinibel Nibigira. Ces habitants de Nyabiraba reviennent surtout sur le retard de construction du marché moderne de Nyabiraba ainsi que la construction d'un établissement des métiers, alors que les contributions financières dans les ménages et à l'école continuent. Jean-Baptiste Nimubona ne comprend pas pourquoi il a payé pour une échoppe dans un marché non encore construit. Ils demandent le remboursement avec des indemnités de retard. Ce qui étonne encore ces habitants, c'est l'attribution des terres domaniales aux particuliers par l'administrateur communal de Nyabiraba. Donatien Zambimana se demande d'où viennent les prérogatives de l'administrateur communal de Nyabiraba. Ferdinand Simbananiye, administrateur communal de Nyabiraba, trouve que les allégations de ses habitants sont mensongères. Concernant cette infrastructure commerciale, il explique que le soumissionnaire gagnant n'a pas pu finaliser le travail de construction, d'où la passation du marché à un autre. Le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Sengiyumva, invite l'administrateur communal à travailler dans la transparence. D'autres questions qui ont été beaucoup posées sont liées au conflit foncier avec des procès qui tardent. Certains d'ailleurs affirment avoir saisi la ministre de la Justice. Elinibel Nibigira. La route menant vers Mutakura est gravement endommagée, si bien que certains conducteurs contournent vers la route dite Cagnoni pour qu'ils puissent y arriver. Ils demandent aux autorités concernées par la voirie urbaine de la réhabiliter. Audrey Akibana, stagiaire à notre station. Tout au long de cette route dénommée route Mutakura, il s'observe des nids de poules. Le rond-point de Kotebu jusqu'à Mutakura, les véhicules empruntent cette route très difficilement. Les piétons, de même que les conducteurs qui passent dans cette route, se lamentent en disant que leurs véhicules sont dommages. À cela s'ajoutent des mésententes entre le conducteur et les passagers parce qu'ils sont obligés de dévier dans d'autres routes autres que l'itinéraire connu. Les usagers demandent que cette route soit réhabilitée dans les plus brefs délais. Merci Audrey. En international, à marge du sommet des chefs d'État, 40 chefs d'État et de gouvernement africains et 27 dirigeants européens sont réunis à Bruxelles où le 6e sommet Union européenne-Union africaine a débuté jeudi après-midi. Les chefs d'État et de gouvernement ont surtout parlé financement de la croissance, changement climatique, numérique ou encore transition énergétique. Et sur ce dernier point, Macky Sall, le président sénégalais, a d'ailleurs dit attendre beaucoup de ce sommet. Le Fonds monétaire international chiffre à plus de 221 milliards d'euros les besoins du continent dans les 3 ans à venir pour amortir le choc de la pandémie Covid-19. L'Union européenne promet 150 milliards d'euros, une somme encore indicative qui englobera investissements publics et privés. Radio Isanganiro, chronique environnement. La pollution de l'eau et le tarissement sont des effets négatifs de l'envahissement des zones humides. Explication de Félicien Niyoboke, directeur général de l'environnement et ressources en eau et assainissement au ministère en charge de l'environnement. Il rappelle que toutes les zones humides sont des terres domaniales et c'est l'objet de la chronique environnement préparée et présentée par Lydie Gahimbare. Dans la chronique précédente, le directeur général de l'environnement, des ressources en eau et de l'assainissement au ministère ayant l'environnement dans ses attributions a expliqué les zones humides et leurs avantages. Aujourd'hui, Félicien Niyoboke explique que la pollution de l'eau et le tarissement sont des conséquences négatives qui peuvent surgir lorsque les zones humides ne sont pas bien protégées. Premièrement, c'est que ces zones puissent tarir avec les nappes phréatiques. Donc, à l'occurrence, les sources d'eau diminuent. Autre chose, ça a aussi un impact sur la diminution des eaux de surface. Et là, je dirais les eaux du lac et rivières, parce que ces eaux aussi seront moins alimentées, moins rechargées. Autre chose, lorsque ces eaux ne sont pas bien protégées, des impacts sur la santé publique sont aussi multiples. Et là, je citerai, par exemple, ce ne sont pas protégés des produits chimiques en provenance des usines ou alors des latrines non biologiques, eh bien, ces eaux se chargent de déchets dont la plupart peuvent être des déchets dangereux. En buvant l'eau qui a été souillée de cette manière, au lieu de nous être inutile, ça devient donc du poison. Alors, les impacts sont multiples pour la santé humaine, la santé des animaux, et ça peut même impacter les cultures qui ont été irriguées à partir de cette eau qui était vraiment inintoxiquée. Selon Louis, avant tous les travaux anthropologiques, il faut une étude d'impact environnemental, ajoute-t-il. Avant d'installer, de penser à installer une usine, voire même des infrastructures où se rencontrent beaucoup de personnes, il faut d'abord faire appel aux institutions habilitées ayant l'assainissement, l'environnement et l'eau dans ses attributions pour pouvoir mener ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental, voir à l'avance les conséquences qui peuvent survenir lorsque on y installe une telle ou telle autre infrastructure, a-t-elle enseigné que on puisse alors le faire en tenant compte de toutes ces conséquences et en essayant donc de diminuer les impacts au maximum avant l'installation. Donc, pendant l'installation, il faut tenir compte de l'assainissement du milieu et donc de la protection de ces eaux qui sont toujours utiles à la vie de la population présente aujourd'hui et de l'avenir en général. Selon toujours Félicien Niyoboka, directeur général de l'environnement, des ressources en eau, la population doit connaître et sensible au code de l'eau afin de bien protéger ces zones humides. Merci Lydie Gahimbare, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.